لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا المجلس bienvenue aux chers frères à cette assise وقد اشتقنا إليكم certes vous m'avez manqué ça fait longtemps qu'on s'est pas vu hein on va essayer de continuer le rappel on va continuer inshallah ta'ala à voir ces hadiths qu'a cité l'imam Rabi' hafidhahullah ta'ala al-muta'alliqa bil-aqidati wal-manhaj ces hadiths qui sont liés à l'aqida, à la croyance et au manhaj. طيب, aujourd'hui on commence donc avec le hadith de al-Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu. Donc c'est le dixième hadith qu'a choisi le Cheikh Rabi' hafidhahullah qui nous dit an al-Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu qu'al وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. Et donc l'Ibad ibn Sariyah رضي الله عنه qui dit le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم nous a exhorté, il nous a fait une exhortation qui était touchante, بليغة, une exhortation qui cause le frémissement des cœurs et qui fait pleurer les yeux, qui fait donc couler les larmes des yeux. Fakulna nous dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, ka'annaha maw'izatu muwaddi', fa'awsina. Ô messager d'Allah, c'est comme si ceci est l'exhortation de celui qui part, de celui qui va nous laisser et s'en aller. Alors, fais-nous des recommandations. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. Je vous recommande la crainte d'Allah, la taqwa envers Allah, ainsi que le fait d'écouter et obéir, c'est-à-dire au gouverneur. وإن تأمر عليكم عبد. Et même si c'est un esclave qui a autorité sur vous. فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Ensuite il dit sallallahu alayhi wa sallam, celui d'entre vous qui vivra, c'est-à-dire il s'adresse à ses compagnons, celui d'entre vous qui vivra après moi, il verra beaucoup de divergences. Alors accrochez-vous à ma sunnah ainsi que celle des califes bien guidés après moi. Mordez-y à pleines dents, abdou alayha bin nawajid, c'est-à-dire mordez-y à pleines dents. Wa iyyakum wa muhdathatil umur. Et méfiez-vous des inventions, car certes, toutes les innovations sont des égarements. Hadith rapporté par Abu Daoud al-Tirmidhi, qui dit hadithun hasanun sahih, et aussi rapporté par Imam Ahmed ibn Majah et d'autres. Ayoua al-Ikhwa, هذا الحديث من الأحاديث العظام و إخراج أو إرادة المؤلف لهذا الحديث يدل على سعة علمه وعلى فقهه في هذه المسائل المنهجية والعقدية. Et donc ce hadith il fait partie des hadiths qui sont grandioses et très importants, et le fait que l'auteur il ait cité ce hadith dans ce livre montre la science et la grande compréhension de l'auteur concernant ce sujet très important, la aqida et le manhaj. Et voilà pourquoi il est important au Shafka qu'on invoque beaucoup pour nos savants, ces savants qui ont fait de grands efforts pour nous, car aujourd'hui si on peut lire des livres de hadiths et méditer, réviser sur ces livres, c'est parce qu'il y a eu de grands savants qui sont passés, des montagnes qui sont passées, des enquêteurs qui sont passés, qui ont pris l'exemple de Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam qui a voyagé les talab al-ilm. Il a voyagé pour étudier. Après cela, on a eu les compagnons radiyallahu anhum qui ont pris exemple et qui ont voyagé jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, ils ont voyagé pour transmettre la science. Et lorsqu'ils étaient séparés, qu'ils étaient dispersés, les compagnons du prophète, radiallahu anhum, les tabi'oun, ils ont voyagé. Ils ont voyagé. Une fois, j'ai fait le calcul avec des frères, un voyage, donc, de Médine jusqu'en Égypte, un voyage de Médine jusqu'en Égypte pour un hadith. Juste pour un hadith. Il n'est même pas descendu, ou du moins, il est descendu de sa monture pour un hadith qu'il connaissait déjà. Un compagnon qui a entendu un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il sait qu'il y a un autre compagnon qui l'a entendu. Lui, il est à Médine, l'autre, il est en Égypte. Et tous les autres qui l'ont entendu, ils sont morts. Alors, il a fait le voyage jusqu'en Égypte. Il est arrivé, donc, devant cet autre compagnon, il est descendu de sa monture, et lui a dit, « Dis tout comme une Médine à Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. » من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ستر المسلم. Je suis venu te voir depuis la ville du prophète صلى الله عليه وسلم à cause du hadith du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم concernant le fait de cacher les défauts et les péchés du musulman. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. Alors, il lui a dit: لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِلَّا أَنَا وَأَنْتِ مَا بَقِيَ إِلَّا أَنَا وَأَنْتِ. Il ne reste que toi et moi qui l'ont entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il a voyagé, pourquoi? Pour réviser ce hadith qu'il connaissait déjà. S'assurer que sa connaissance, sa maîtrise du hadith, elle était correcte. Alors lorsqu'il lui a récité le hadith, il est remonté sur sa monture et il est parti. Il est parti. Lam yahulla rahlahu. Il n'a même pas défait sa monture. Un voyage de plus de 17 jours si tu ne t'arrêtes pas. Si tu ne fais pas de pause. 17 jours. Aujourd'hui, on nous dit séminaire à Paris. Séminaire à Villerue. Séminaire à Mulhouse parfois. Pour des frères qui sont à Mulhouse. On leur dit séminaire. Tu prends ta voiture, il y a la clim, mashallah, tu as même ton jus d'orange avec toi, tu pars, tu assistes au cours, tu trouves d'autres canettes de jus d'orange, tu trouves même parfois des pains au chocolat en plus, mashallah, tu te poses, tu écoutes ton cours, et après tu retournes chez toi. Même ça, c'est trop. Même ça, c'est trop. Aujourd'hui, les frères, si on peut lire des livres de hadith, si on peut réviser, apprendre notre religion, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont fatigués. Il y a des gens qui se sont fatigués. Le Cheikh Rabi, il s'est fatigué. Et il continue à se fatiguer dans les recherches, dans les recherches, dans les Essanides, pour savoir si les hadiths sont authentiques ou pas. Et nous, on arrive tranquillement, mashallah. Et donc, il faut vraiment qu'on remercie Allah Tabaraka wa Ta'ala et qu'on invoque pour nos savants qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala leur fasse miséricorde. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابة وأوصى المؤمنين بتقوى الله تبارك وتعالى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a recommandé aux compagnons, il a recommandé aux croyants d'avoir la crainte, la taqwa envers Allah tabaraka wa ta'ala. وقد تكلمنا عن التقوى. On a déjà parlé de la taqwa. ولا بأس من إعادة الكلام لأهميته. Et il n'y a pas de mal à répéter le sujet, inshallah, parce que c'est vraiment un sujet important. وأنتم تعرفون أن من لم يتق الله تبارك وتعالى فلا ينتفع. Vous savez très bien que celui qui ne craint pas Allah tabaraka wa ta'ala ne profite pas correctement de ses assises. Il ne profite pas correctement du fait de lire le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit au début de son livre, Hudan lil muttaqin, que ce livre est une guidée, mais il n'a pas dit une guidée pour tout le monde. Une guidée pour les muttaqin, pour ceux qui ont la taqwa. Car si tu n'as pas la taqwa, tu peux lire le livre, et le lire, et le lire, et le lire. Mais tu ne vas pas obéir à Allah tabaraka wa ta'ala et délaisser ses interdits. Car c'est cela le taqwa. C'est cela la taqwa. Le fait d'obéir aux ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala et délaisser ses interdits. Le fait de craindre son châtiment. Et donc il est important, chers frères, qu'on ait cela en nous. Si on fait ces assises, c'est pour purifier nos cœurs, C'est pour... Il y a beaucoup d'informations qui sont citées qu'on connaît déjà. C'est un rappel. Ce sont des informations qu'on connaît déjà. Mais cela nous permet de renforcer notre foi pour délaisser les péchés. Si tu n'as pas de ta croix, comment vas-tu profiter de ce genre d'assises? Si c'est pour venir et ensuite sortir et repartir dans la médisance, dans le mensonge, dans il est où le profit? Et donc, il est important, chers frères, que on ait avec nous at-taqwa, la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qad bayyana Allah tabaraka wa ta'ala ahammiyata hadha al-amr fi awwali amrin amarana bihi fi kitabihi. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous montre l'importance de ce sujet, et cela dans le premier ordre qu'il nous a fait, le premier ordre qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné dans le Coran, le fait de l'adorer. Ya ayyuhan nas, a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô homme, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé, et ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. La'allakum tattaqun. Fahadhihi al-ibada tanfa'una min ajli an nattaqillaha tabaraka wa ta'ala. Et donc, ces actes d'adoration qu'on accomplit, cette prière du Fajr qu'on vient de faire, et les autres actes d'adoration nous permettent donc de craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kadhalika as-siyam. Et aussi le jeûne. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux communautés d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Et donc cela nous montre l'importance de cet acte. Lorsque des actes d'adoration sont légiférés pour nous permettre d'atteindre ce degré, cela nous montre l'importance de cet élément, la taqwa, qu'on ne doit pas négliger. Wakadhalika taqwa min asbab rizq. On a déjà vu précédemment, la taqwa fait partie des causes de subsistance, comme on l'a vu pour nos frères, notamment qui veulent faire la hijra. Hein? Il faut arrêter de penser que la cause de risque, c'est donc la carte vitale que tu possèdes ou autre. C'est la taqwa, le fait que tu craignes Allah tabaraka wa ta'ala. Comme on l'a déjà vu précédemment, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw, le fatahna alayhim barakatin min as-sama'i wal ard. Si les gens des cités avaient cru et avaient eu la crainte, alors nous leur aurons ouvert les bénédictions venant des cieux et de la terre. Des bénédictions venant des cieux et de la terre, c'est-à-dire des subsistances. Allah tabaraka wa ta'ala aurait fait la pluie tomber pour eux, et afin qu'ils puissent en profiter, et aussi les plantes qui viennent de la terre, etc. La subsistance. Et donc il est important, chers frères, qu'on craigne Allah tabaraka wa ta'ala. Et aussi, oh chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ذكر لنا في هذا الحديث الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité dans ce hadith le fait d'écouter et d'obéir au gouverneur. On l'a déjà vu aussi précédemment. Ya ayyuhal ladhina amanu, ati'u Allaha wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers ainsi qu'à ceux qui détiennent l'autorité parmi vous. Parmi vous, c'est-à-dire parmi les musulmans, les gouverneurs des musulmans. Et donc, il nous a été ordonné d'obéir à nos gouverneurs. Nous obéissons à Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous obéissons au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous remarquez dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala a répété l'ordre, obéissez à Allah et obéissez au prophète. Et concernant le gouverneur, il n'a pas répété l'ordre. Il a dit ainsi, donc, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Ainsi qu'à ceux qui détiennent le commandement parmi vous, à ceux qui détiennent l'autorité. Et donc, les savants nous disent ce qui est voulu ici, c'est que nous devons obéir à Allah et à son messager. Nous devons leur accorder une obéissance totale. Par contre, le gouverneur, Nous devons lui obéir quand celui-ci nous ordonne ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala agrée. Si le gouverneur nous ordonne de faire ce qui est interdit, fala sam'a wa la ta'a, alors nous n'obéissons pas. Et donc ça, c'est vraiment important. C'est vraiment très important, car on ne doit pas avoir de la négligence sur ce sujet, mais on ne doit pas avoir non plus d'exagération. Wa iyyakum ayyuha al-ikhwa wa ha'ula as-sufaha. Méfiez-vous, chers frères, de ces ignorants. Ha'ula alladhina farraqu as-salafiyyin. Ces gens qui ont divisé les salafis. Wa ya'tuna al-yawm bi shubahin fi hadha al-bab. Elles viennent aujourd'hui avec des ambiguïtés sur ce sujet. Hein? Bi ya'tuna bi qawl aw bi jawaz al-inkar 'ala al-hukam 'alanan. Ils viennent nous voir en nous disant qu'il est permis de critiquer les gouverneurs de façon publique. Il est permis de critiquer les gouverneurs de façon publique. Et certes, vous connaissez le hadith qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Man ra'a min amirihi munkaran falyakhudhu biyadihi wa yakhlu bihi. Celui qui voit de son gouverneur un élément blâmable, alors qu'il le prenne par la main et qu'il s'isole avec lui. Même si les savants, ils ont divergé quant à ce hadith qui a été rapporté dans le Mousnad de l'imam Ahmed. Nous avons aussi un hadith très connu dans Sunan Abi Daoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été interrogé: Ayyu akbar il jihad. Quel est le plus grand jihad? Quel est le plus grand jihad? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: Kalimatu haqqin inda hakimin ja'ir. Le fait de dire la parole de vérité auprès d'un gouverneur injuste ou à un gouverneur injuste. Mais ici, le terme qui est cité, c'est inda. C'est inda. C'est-à-dire que cette parole de vérité que tu vas prononcer, est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam: Kalimatu haqqin ala hakimin ja'ir. Le fait de dire une parole de vérité concernant un gouverneur injuste, à ce moment-là, tu dis cette parole de vérité sur le mimbar, dans tes écrits ou autres. Il n'a pas dit cela. Il a dit inda, auprès de. Ce qui veut dire que tu vas vers lui et tu es avec lui et tu le conseilles entre toi et lui. Et ça, c'est vraiment important. فَإِنَّنَا إِنْ لَمْ نُطَبِّقْ هَذَا الْأَمْرُ سَيَنْتَشِرُ الْفَسَادِ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ. Car si nous n'appliquons pas cela, le mal et la corruption vont se propager dans les pays musulmans, comme on le voit ici en France. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il aborde un autre sujet très important: وَهُوَ دَاءٌ مُنْتَشِرْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ. C'est une maladie qui est propagée dans cette communauté. وَقَدْ أَخْبَرَ نَبِيهِ. Et certes, le prophète nous a informé de cette maladie. وَهَذَا عَلَمٌ مِنْ أَعْلَمِ النُّبُوَّةِ. Et ceci fait partie des signes de la prophétie. Le prophète nous a informé de la divergence qu'il va y avoir avant qu'elle n'arrive. إِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Celui d'entre vous qui aura une longue vie après moi, il verra beaucoup de divergences. وَقَدْ حَصَلَ الْإِخْتِلَافُ. Et certes, la divergence est arrivée. Et jusqu'à aujourd'hui, nous subissons la divergence des musulmans. Il nous informe donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la maladie. Et nous informe aussi de l'antidote. Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans son livre Irathatul Lahfan, il aborde donc les maladies des cœurs. Et il cite qu'il y a deux types de maladies. Comme on peut avoir, donc, avec les maladies corporelles. Il y a des maladies que les gens vont sentir. Et j'ai donné cet exemple à la mosquée de Villerue, parce qu'eux, ils le voient. Ils le voient clairement que parfois, il y a des personnes, on ne les a jamais vues à la mosquée. Jamais on les a vues à la mosquée. Mais ils ont un djinn qui arrive. Ou quelques ouest-ouest, et là, ils débarquent tout de suite à la mosquée. Oui, j'ai besoin d'aide, ouest-ouest, excusez-moi, Rokia, etc., etc. Et donc ils ont peur de ça. Mais ils n'ont pas peur des péchés, des bidats. Ça, ils n'en ont pas peur. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, parmi les maladies qui touchent le cœur, il y a des maladies dont tu sens la douleur de façon automatique. Tu sens tout de suite la douleur. Comme les waswas, etc. Il dit, ça, ce sont des maladies, donc la personne, elle sent la douleur, elle sent qu'il y a un problème, tout de suite. Et les gens, ils ont peur de ces maladies-là. Ils ont vraiment peur. Il dit, Ibn al-Qayyim, alors que ce ne sont pas les maladies les plus graves. Ce n'est pas les plus dangereuses. هذا المرض لا يتعلق بجنة ولا نار. Cette maladie n'est pas liée au paradis ou à l'enfer. C'est la réaction que tu vas avoir, le comportement que tu vas avoir. Ça, c'est lié au paradis ou à l'enfer. Mais la maladie en elle-même, non. Il dit par contre, l'autre maladie qu'on ne sent pas, cette maladie qui est dans le cœur, qu'on ne sent pas, il dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah, c'est celle-là qui est dangereuse. C'est celle-là qui est dangereuse et qui mène les gens à l'enfer. Mais qu'est-ce qui fait que les gens ne sentent pas cette maladie? Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a utilisé une très belle parole. Subhanallah. Il a utilisé une très belle parole. Il dit, ce qui fait que les gens n'en sentent pas cette maladie, c'est sakratul jahli wa shubuhat, wa shahawat. Il dit donc, c'est le fait que le cœur soit enivré. Il est enivré, le cœur, par l'ignorance et par la passion. Et cela va faire que la personne ne sent pas la douleur. Une personne qui est ivre et qu'on va lui couper un membre, qu'elle ne sait pas qu'on lui a coupé un membre. Et ici, son cœur, il est enivré par l'ignorance et par la passion. La personne ne sent plus les péchés qu'elle fait. Elle ne sent plus la gravité de sa situation. Le fait qu'on reste ici sans apprendre, sans chercher à étudier, quelle est la voie des compagnons, que tu sais très bien, que tu sais pertinemment, que Allah tabaraka wa ta'ala, elle te dit, il nous dit dans son livre, « وَمَنْ يُشَاكِكَ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ » Celui qui fait scission du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après que la guidée lui soit clairement montrée, et qui suit une autre voie que celle des croyants. C'est qui le mu'minoun? C'est qui les croyants? Il dit Ibn Kathir, rahimahullah, « Ala ra'sihimu sahaba » Les premiers, c'est les compagnons. Pourquoi? Parce que c'était eux les croyants avant la divergence. Tu dois suivre qui parmi les croyants? Tu dois suivre les croyants qu'il y avait avant que la communauté ne se divise. Comment se fait-il que tu sais pertinemment que tu dois suivre ces gens-là et que tu n'apprends pas quelle est leur croyance? Que tu n'apprends pas, tu ne cherches pas à savoir quelle était leur aqida, quel était leur manhaj. On est là tranquille, alhamdoulilah, j'ai compris, manhaj salafi. Et lorsqu'il y a une fitna qui arrive, brah, il y a tout le monde qui tremble. Tout le monde qui tremble, parce qu'on n'a pas cherché à apprendre quel est le manhaj des sahaba. Pourquoi? Sakratul jahli wa shahawat. À cause du fait que les cœurs sont enivrés par l'ignorance et par les passions. On ne sent pas le mal qu'il y a, on ne le sent plus. Et donc, ô chers frères, il apparaît clairement qu'il nous est obligatoire de suivre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit dans ce hadith qu'on va se diviser, la communauté va se diviser. Fa'alaykum bi sunnati. Alors accrochez-vous à ma sunna, voilà l'antidote. Ainsi que la sunna de mes califes bien guidés. Abdou Ali Habib Nawajid, mordez-y à pleines dents. Ça veut dire quoi? Quelque chose que tu ne veux pas perdre. Quelque chose que tu ne veux pas perdre. Aujourd'hui, beaucoup, ils ont pris cette chose qu'ils vont mordre à pleines dents, cette chose pour laquelle ils vont se fâcher, c'est la dunya. Wallah, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur que les sujets pour lesquels on se fâche, c'est des commerces, c'est de l'argent, etc., etc. Mais est-ce que tu es capable de te fâcher pour la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala? Est-ce que tu es capable de boycotter, de mettre en garde ceux qui ont dévié et ceux qui ont divisé la communauté? Il est là le problème. Il est là le problème. Quand tu vois des frères qui s'embrouillent pour un sujet mondain et que derrière, pour un sujet religieux, Salam alaikum la baisse, allez, bien ou quoi? Elle est où la jalousie pour Allah tabaraka wa ta'ala? Qu'est-ce qui est plus important pour nous? Qu'est-ce qui est plus important pour nous? Et donc, oh chers frères, il faut vraiment qu'on fasse attention à ça. Le suivi des compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé que la communauté va se diviser. Et vous le voyez, la division qui est arrivée, quel est l'antidote? Le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de suivre la voie des compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a annoncé dans le hadith de la division, que cette communauté va se diviser en 73 groupes. Kulluha fi an-nar illa wahida. Tous dans le feu, sauf un. Qila man hiya ya Rasulallah? Quel est ce groupe, ô messager d'Allah? Man kana ala mithli ma ana wa ashabi. C'est celui, donc ceux qui ont la même pratique que moi et mes compagnons. Il t'est obligatoire, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu veux l'agrément d'Allah, tabaraka wa ta'ala, tu dois obligatoirement suivre cette voie. La voie des salafs. La salafia est une voie obligatoire à suivre. Nous n'avons pas le choix. Allah nous l'a imposé. As-sabiqoun al-awwaloun min al-muhajirin wal-ansar. Les prédécesseurs, les premiers parmi les muhajiroun et les ansar, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Radiallahu anhum wa alladhina taba'uhum bi ihsan. Et ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons. Ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons. Radiallahu anhum wa radu an. Allah les a agréés, Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Ils sont satisfaits de ce que Allah leur a accordé. Et donc, Ibn Kathir rahimahullah, il nous dit que si tu veux l'agrément d'Allah, il nous dit Allah tabaraka wa ta'ala nous a montré qu'il est satisfait des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais par contre, pour les autres, il a mis en condition pour qu'ils atteignent sa satisfaction le fait qu'ils suivent les compagnons. Il était obligatoire. Tu veux la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu dois suivre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'as pas le choix. Ceci, c'est l'antidote face à la division. Ça, c'est l'antidote, on n'a pas le choix. Tant que les gens, tant que les musulmans ne reviendront pas à la voie des pieux prédécesseurs, nous allons rester dans la division dans laquelle nous sommes actuellement. Car nous n'avons pas pris l'antidote. Et donc, il est important, chers frères, qu'on fasse très attention à cette recommandation prophétique. Très attention. Aujourd'hui, et quand je dis cela, ce n'est pas que le fait de comprendre que tu dois suivre la voie des compagnons. Mais c'est le fait de l'appliquer. C'est le fait de l'appliquer. Être salafi, ce n'est pas dire « je suis salafi ». Il y en a plein qui disent ça. Il y en a plein qui disent « je suis salafi ». Mais est-ce que tu es salafi réellement? Est-ce que tu pratiques réellement cette voie à laquelle tu t'affilies? Que ce soit chez toi, dans ton foyer, avec tes enfants, au travail, avec les frères, hein? Le manhaj salafi, c'est pas le fait de se faire pousser la barbe et de porter un kamis. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie, le manhaj salafi. Toute ta vie, ta croyance, tout ce que tu fais. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Et donc, dis certes mes prières. Ainsi que el nusuk, les savants du tafsir les ont divergés. Certains disent el hajj, le pèlerinage. D'autres, ils disent l'égorgement, le sacrifice qui est fait, donc pendant le pèlerinage. Et d'autres, ils nous disent l'ibadat, de façon générale. Allah, il a cité les salats et ensuite toutes les adorations de façon générale. Ma vie et ma mort, tout cela appartient, tout cela est pour Allah. Je le voue, je l'accorde à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ça le manhaj salafi. C'est ça le manhaj salafi. Toute ta vie, quand tu vas dormir, tu cherches à dormir comme un salafi. Quand tu te réveilles, tu cherches à te réveiller comme un salafi. Quand tu manges, tu cherches à manger comme un salafi. Quand tu bois, tu cherches à boire comme un salafi. Quand tu parles, tu cherches à parler comme un salafi. Quand tu es avec ton épouse, dans ton intimité, tu cherches à avoir une intimité comme un salafi, loin de toutes les maladies. Parce que, frère, on a malheureusement beaucoup de maladies propagées ici. Beaucoup de maladies. Beaucoup de personnes, des questions, oui, lorsque je suis en intimité avec mon épouse, est-ce que je peux? Il faut qu'on fasse attention, barakallahu fikoum. Il faut qu'on fasse attention. On a parlé de la taqwa tout à l'heure. Et On va finir avec ça parce que je ne veux pas faire trop long, inshallah ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit, ya bani Adam, qad anzalna alikum libasan yuwari sawatikum wa rishan wa libasu taqwa dhalika khayr. Ô enfants de Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement qui couvre votre aura, as-sawa. As-sawa summiyat sawatan li anna inkishafaha yasu'u sahibaha. As-sawa a été appelé sawa parce que le fait de la dévoiler fait du mal à la personne, est mauvais pour la personne. Et donc as-sawa, c'est la partie que tu dois couvrir. Et donc Allah nous informe qu'il a fait descendre un vêtement sur nous qui couvre nos parties. Warishan, riche, les savants, ils ont divergé. Certains disent c'est un vêtement aussi. Et d'autres ils disent c'est de l'argent, c'est des biens. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a accordé des vêtements et des biens. Et ensuite il dit walibasu taqwa dhalika khayr. Et le vêtement de la taqwa, ça c'est meilleur. Le vêtement de la taqwa est meilleur. Qu'est-ce que le vêtement de la taqwa? Qu'est-ce que c'est? Ce vêtement de la taqwa, c'est le vêtement que tu ne peux pas enlever. Tes vêtements que tu portes en toi, en tissu, que tu portes sur toi, il y a des moments où tu vas les enlever. Tu vas prendre ta douche. Ou alors, tu vas aller avec ton épouse. Tu vas enlever tes vêtements à ce moment-là. Par contre, libas ou taqwa, le vêtement de la taqwa, qui est le vêtement de la pudeur, tu n'as pas le droit de l'enlever. Dans ton intimité, tu n'as pas le droit d'être impudique. Tu es avec ton épouse, tu dois avoir la taqwa envers toi. Ce n'est pas parce que personne ne te voit que tu peux te permettre de faire ce qui est illicite. Ce vêtement de la taqwa, tu n'as pas le droit de l'enlever. Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait descendre ce verset concernant ceux qui faisaient le pèlerinage nus. Concernant ceux qui faisaient le pèlerinage, ou ceux qui faisaient le tawaf, pas le pèlerinage, mais le tawaf, les incroyants de la période de Jahiliya, donc la période anti-islamique, qui faisaient le pèlerinage nu. Il a fait descendre ce verset pour répliquer à leur ambiguïté. Si vous aviez sur en vous le vêtement de la taqwa, de la pudeur, vous n'auriez pas fait ce que vous avez fait. Et donc, oh les frères, il faut qu'on cherche à avoir en nous cette taqwa, cette pudeur. Ibn Abbas, il a été rapporté de lui, qu'il a fait ça, qu'il a expliqué l'ibès ou taqwa par la pudeur. Et donc, oh chers frères, il est vraiment important qu'on comprenne le manhaj salafi, c'est toute ta vie, même dans ton intimité. Il faut qu'on fasse très attention à cela. Fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Et donc nous devons suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que celle des califes bien guidés. Ce n'est pas dans un sujet ou deux. Faites très attention aux commerçants. Faites très attention aux commerçants. Ne soyez pas des commerçants. Qu'est-ce que je veux dire par commerçant? Ou du moins, pas des commerçants, ne soyez pas des clients. Ceux qui vont dans les magasins et qui achètent ce qu'ils veulent. Ils prennent les produits soldés. Je prends ça, je le prends pas, et pas ça. La religion d'Allah, tu n'as pas le choix. On ne t'a pas demandé de choisir ça ou ça ou ça. Allah t'a imposé. Otrulou fissil mikefa. Rentrez pleinement dans la religion d'Allah. Voilà tatabi wa khutuwati shaitan. Et ne suivez pas les voies, ne suivez pas les traces du diable. Et donc il est impératif qu'on comprenne ce sujet. Barakallahu fikum. Être salafi, c'est toute ta vie. Être salafi, c'est pas choisir un sujet ou deux. C'est toute ta vie. Si tu veux être dans le groupe sauvé, si tu veux être donc sauvé du feu, si tu veux atteindre la taqwa, la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, la piété, il est impératif que tu comprennes ce sujet. Impératif. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous une science profitable et capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khair.